pourrait débuter. Simplement, non, je vais passer aux questions écrites tout de suite après cette question-là. Tu as parlé d'intelligence et de conscience. Et ce serait intéressant d'avoir une description nuancée de ce qui peut être de la conscience et de l'intelligence. Savoir une chose, c'est de l'intelligence. Et l'intelligence, de l'intelligence, c'est la conscience. Savoir une chose, c'est intelligent. Savoir que l'on sait, c'est de la conscience. OK. Je passe aux questions. La jalousie est-elle un karma ou une mécanique du plan physique et devient-elle un privilège au plan boutique? La jalousie n'est pas un karma, c'est la structuration même du phénomène de l'ego dans l'homme, donc ça fait partie des mécaniques d'ascension du corps physique vers un contact supramental. Et ce n'est pas un privilège sur aucun autre niveau. Tout à l'heure, on a fait des correspondances, mais j'ai bien expliqué que ça n'avait rien à voir avec la jalousie comme on la concevait chez l'homme. Que faire lorsque l'esprit se fait constamment manipuler et imaginer des atrocités physiques qui nous font peur, surtout lorsqu'on l'on en prend conscience, mais que l'esprit, après un temps d'effort à penser à autre chose, nous reprojette encore et toujours dans l'imagination de ce qu'il nous fait? Ça me fait sécréter en masse. C'est pas l'esprit qui fait ça, c'est les forces astrales. Et qu'est-ce qui fait que? C'est qu'on a dans la structure de notre ego quelque chose qui soit en rapport avec un film qu'on a vu, soit avec un événement qu'on a déjà vécu, soit avec une personnalité réincarnationnelle qui a vécu un traumatisme à un moment donné, qui a besoin de se nourrir et qui continuellement projette de la pensée des substances astrales dans le but d'auto-énergiser sa propre nature. De quelle façon on parvient à éliminer ça? C'est en accédant, en embarquant dans le jeu de la projection de la pensée et en essayant de changer lentement les choses. Alors, cela équivaudrait à une reprogrammation, comme on peut faire sous état d'hypnose, mais on le fait consciemment sans risque comme on peut en rencontrer dans un état d'hypnose. Et ce qu'on a à faire, eh bien, disons qu'on voit, par exemple, toujours une personne qui se fait couper la tête. Eh bien, à un moment donné, eh bien, la tête à coupe. C'est ça que la pensée nous ramène. Je donne un exemple. À un moment donné, eh bien, on recommence, et puis paf, on manque notre couleur, je ne sais pas, à s'affiler. Et là, ça fait encore plus comme atroce, il faut qu'on donne 4-5 coups avant de réussir. Mais on commence à avoir de la difficulté à couper la tête. Et puis après, à un moment donné, eh bien, on recommence, paf, puis elle avait un collier de métal, là, ça n'a pas marché, puis etc. Lentement, on transforme jusqu'à un point où ce qu'on ne pourra plus couper la tête, puis lentement, ben, on va l'avoir carrément dissipé. Alors, on peut contrôler comme ça en embarquant dans le jeu de la projection, et puis on change les choses. Puis si les jeux changent à chaque fois, régulièrement, c'est jamais la même chose, mais c'est toujours des atrocités. Eh bien, on embarque pareil dedans, et puis on s'arrange pour les contrôler. Finalement, les atrocités vont devenir de moins en moins atroces, et puis ça va disparaître. On ne joue pas à être, on est ou on n'est pas. C'est faux. L'être n'a rien à faire des jeux. C'est faux. L'ego joue à être chef, sous-chef et disciple. L'ego joue à être, puis l'ego finit par se prendre au sérieux et à se croire. Alors, il a la paix intérieure, le bonheur, etc. Le jeu va-t-il jusqu'à ce que l'ego se prenne pour l'esprit? Il n'y a pas de danger. Il faut faire évidemment une grande nuance entre l'humain qui joue et l'être humain qui joue. Alors, j'ai expliqué qu'on avait la structure de l'ego qui pouvait inventer des substances, des jeux, des mécanicités pour arriver à plagier le petit contact qu'il avait. Et il y avait une autre forme de jeu qui était l'habillement, créé par la conscience dans l'être humain. Alors, c'est la conscience qui vient paramétrer les règles du jeu de façon à instruire l'ego que ces choses-là existent et que vous pouvez le faire. Ce n'est pas l'ego qui joue à partir de son propre rayonnement, c'est l'ego qui embarque dans un jeu que la conscience et que l'intelligence vont lui demander de faire. Alors, il y a une nuance. Il y a énormément de questions qui se posent et qui sont vraies et qui sont fausses. À un moment donné, je parlais avec des individus et ils me disaient, « Oui, mais tu sais, dis ce que tu viens de dire là, tu sais, ça peut faire en sorte qu'un humain, un jour, fasse ceci, cela. » Et il a fallu que je me choque pour lui dire que toi, tu ne ferais pas ça. Puis que ceux qui sont là non plus, je le dis pour vous autres, pas pour les autres qui ne sont pas là. Quand je parle de jouer, ceux qui peuvent jouer, il n'y a pas de danger. C'est sûr que si je m'en vais dans la rue ou que vous venez mon oncle ou ma tante, ou etc., puis qu'on les fait jouer, il y en a qui vont se prendre au sérieux dangereusement. Et puis, il y a une autre chose que vous devez savoir. À travers ceux qui vont jouer, il y en a, on va dire oui, peut-être, mais il y en a quand même dans la gang ici qui sont ceci ou cela. On a toujours peur pour tout le monde, hein? Très bonne structure astrale pour nous empêcher nous-mêmes de faire quelque chose. Au cas que le Bangladesh, il saurait ça puis qu'il ferait croche. Et en plus, parce que moi, je suis dans les pattes de tout le monde quand on fait le jeu, ça élimine déjà énormément de problèmes. Les seules personnes qui auraient des problèmes, c'est ceux qui jouent déjà puis qui ont déjà des problèmes. Mais ça ne changera pas grand-chose qu'ils fassent un jeu ou qu'ils ne le fassent pas. Ils le font pareil. On ne joue pas à être, on est. C'est faux. On joue à être. Et quand on joue à être, on est. Et quand on ne joue pas à être, on est. Sauf que celui qui joue, c'est l'ego. Alors, quand il joue à être, ça permet d'exprimer plus l'être que vous êtes déjà. L'ego n'est pas plus dans l'état d'être, mais on s'en fout. Mais vous allez exprimer beaucoup plus l'état d'être. Et ça, ça va transformer l'ego. Alors, on ne joue pas à être. Celui qui est chez vous, non. On est. Celui qui est, oui. Mais si c'est l'ego, on joue à être. Et on ne peut pas faire autrement du point de vue de l'ego. On est ou on n'est pas. On est de l'ego ou on est de la conscience. Et bien, vous êtes les deux. Alors, la conscience, elle est. Et l'ego va jouer à être. Permettre une meilleure expression de la conscience et permettre une meilleure instruction de votre ego. C'est comme dans le jeu de la vie numéro 3. Les individus qui se rapprochent de pouvoir justement commencer à parler, bien, à un moment donné, il va falloir qu'ils s'autorisent à parler. Alors, ils vont dire, oui, mais moi, je ne veux pas être conférencier, je ne sais pas, ça n'a rien à voir. Il va falloir, à un moment donné, qu'ils s'autorisent à parler. Et là, ils vont dire, bon, ben Dieu. Dieu, c'est une illusion. Dieu, c'est à toi, je répète tout ce que tu as dit. Ça, ça n'a rien à voir. Ça, commencez à parler. Après ça, vous chiolerez. Non, l'humain chiole. Comme ça, il n'y a pas rien à faire. C'est la même affaire au niveau du jeu. On est ou on n'est pas. L'être n'a rien à faire des jeux. L'être ne joue pas. C'est lui qui engendre tout le monde. L'illusion, qui est un jeu. L'être a énormément à faire d'un jeu. Et ce n'est pas un être humain sur la planète qui n'est pas dans sa conscience astrale, qui va venir me dire ce que l'être fait. Hein? Bon. L'ego joue à être chef, sous-chef, disciple. Oui. Et selon le jeu qu'il va jouer, il aura la possibilité d'exprimer une conscience qui va être en affinité avec son jeu. Voilà. Moi, je décide de jouer le serviteur. Alors, je vais accepter ses ordres. Mais si l'ego décide de jouer celui qui va accepter les ordres de la conscience va pouvoir s'exprimer. Mais si je continue à jouer, je joue le boss. J'accepte rien de ses ordres. Or, le jeu, du point de vue de l'ego, est extrêmement important. Présentement, la majorité des humains jouent une vie, se prennent au sérieux dans leur vie. Au lieu de jouer sérieusement, se prennent au sérieux dedans. Ils se gardent comme idée qu'ils ne jouent pas. Juste le fait d'être ici, vous jouez. Vous jouez à l'auditeur. Et on joue. Moi, je joue au conférencier, à l'orateur. Sauf que tant qu'à se laisser jouer, puis jouer un paquet de jeux qui ne nous conviennent pas, on a une idée de ce qu'on veut jouer, et puis on attend que les règles extérieures du jeu changent pour que nous, finalement, on n'ait pas l'impression de jouer, qu'on continue à se conserver l'illusion que ce n'est pas une illusion et qu'on ne joue pas, mais qu'on soit obligé de devenir intelligent parce que tout le monde est intelligent. Mais ça va prendre du temps. Il y en a qui vont devoir changer les règles du jeu avant. Au lieu de jouer qui sont manipulés, de jouer qui sont faibles, ah, il va y avoir encore des parties de leur jeu qui vont se jouer. Puis lentement, ils vont jouer un autre jeu. Et ça fait quoi? Ça fait que dans un jeu où je joue le chef, toutes les tapettes viennent me voir pour que je donne des ordres. Dans un jeu où je joue l'esclave, tous les chefs viennent me voir me donner des ordres. Alors, selon le jeu que je vais jouer, je vais attirer vers moi quelque chose. De l'astral, du pouvoir, de la puissance ou de l'intelligence. L'ego joue à être, puis l'ego finit par se prendre au sérieux et à se croire. Quand l'ego se croit, c'est qu'il laisse passer suffisamment d'énergie de ce qu'il croit être pour pouvoir dire qu'il est ça. Sauf que dans vos cas, avec ce que vous savez maintenant, puis là, il y en a encore qui vont me dire, ah oui, oui, mais il y en a encore des plus faibles que ça. C'est ça. Bien, parlez des autres, moi, je vais parler de vous autres. Dans votre cas, la majorité, vous ne pourrez pas vous faire avoir comme ça. Une heure, deux heures, une journée, un mois, OK, peut-être. Devant masse d'intelligence, pas en masse de connaissances du point de vue de l'ego, pour ne plus tomber dans des pièges de même. Alors, à quoi ça sert de se limiter dans ce qu'on veut faire, simplement au nom du fait que, voilà 5 ans, on aurait été de même, ou que le voisin qui ne connaît rien, il ferait ça? Énormément de fois, on me pose des questions sur ceci, cela, cela, puis ça ne concerne même pas celui qui me pose la question. Alors, il a la paix intérieure, le bonheur, etc. Il aura la paix intérieure quand il sera réel. Sinon, ben, ce sera facile de le bouger pour se rendre compte qu'il n'a pas la paix intérieure. Le jeu va-t-il jusqu'à ce que l'ego se prenne pour l'esprit? L'ego se prend pour l'esprit dans quasiment tous les humains de la planète. Alors, est-ce qu'il y a un danger de jouer un jeu? Danger que l'ego se prenne pour l'esprit alors que c'est déjà fait? Il n'y a pas grand-chose. Quelle différence y a-t-il entre l'amour, l'amitié et la sexualité? A-t-on besoin d'amour? La sexualité n'a foutrement rien à voir ni avec l'amitié ni avec l'amour. Bon, ça, c'est un mélange total que l'humain s'amuse à faire pour se donner une raison de faire des actes sexuels. Il appelle ça l'amour, etc. Ça n'a rien à voir. C'est comme quelle nuance, quelle relation y a-t-il entre l'amour, l'amitié et se fouiller dans le nez? Pareil. Sauf qu'il y a un hasard qui fait que c'est assez convergent. Si tu te fouilles toujours dans le nez, à chaque fois que tu exprimes d'amitié, tu finis par conclure. Ouais, mais celui qui exprime d'amitié, s'il fait faire de l'amour, il n'y a pas bien d'amitié. Donc, il n'y a pas de résonance. On peut faire de l'amour, on peut avoir de la sexualité, mais tu n'as pas d'amour, tu n'as pas d'amitié. Ben, ça va de soi. C'est même fréquent, à coût de 50 ou de 100 piastres. OK. Quelle différence? La masturbation, c'est faire la relation sexuelle avec soi-même. Bon, est-ce que c'est de l'amour? Te maquiller dans un miroir à 2 heures de temps, c'est peut-être bien plus de l'amour, hein? Quelle différence qu'il y a entre l'amour et l'amitié? L'amitié, c'est presque de l'amour intelligent, tandis que l'amour conventionnel, l'amour qu'on entend, c'est un amour psychologique et sélectif. Dans l'amitié, on respecte beaucoup plus les amis que ceux qu'on aime quand on appelle l'amour. Quand tu dis à quelqu'un « t'es un bon ami », on le respecte. Quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », c'est pas long qu'on le respectera plus. Fait que t'as l'amour intelligent, dégradation, t'as l'amitié, dégradation totale, t'as l'amour psychologique. Puis dégradation finale, après fouiller dans le nez, c'est le sexe. Okay. J'en reviens pas qu'on mélange encore au 20e siècle le sexe puis l'amour. Non, c'est vraiment une vraie farce, ce comique au bout. C'est parce que c'est acculturé, quand même. S'envoyer en l'air, je sais pas, moi, baiser, encore là, c'est une vraie farce. Se connaître, c'est la Bible. C'est parce que c'est fortement associé à faire l'amour, c'est physique. Dégradation de société. Ah oui. Bon, lorsqu'on arrive à repousser les manipulations astrales de passion ou de haine, il leur reste le rêve. Pourquoi suis-je encore le canal de ces manipulations par le rêve? Est-ce parce que je ne suis pas encore assez solide génétiquement, énergétiquement pour les repousser ou parce qu'inconsciemment, je ne les refuse pas, mais y suis attaché? Non, simplement parce que dans le canal réincarnationnel, il y a encore des mécanicités qui essaient encore de récupérer l'individu. Alors, lentement, elle va finir par les éliminer complètement, ou bien non, elle va récidiver. La meilleure chose, évidemment, c'est de continuer à trouver, si on se rappelle de cela, du rêve au réveil, c'est de continuer à trouver stupides les choses qu'on veut trouver stupides. Et puis, lentement, elle ne veut pas, ça finit par s'en aller. Comment développer mon discernement pour encore être mieux identifié à ce que je suis, ma conscience, et de moins en moins à mon ego? C'est une question qui ne se répond pas. Ben, qui se répond oui, c'est continuer à faire ce que vous faites. Parce qu'on ne peut pas expliquer à un ego comment faire en sorte de développer un discernement, puis on ne peut pas expliquer non plus à une structure mentale ou supramentale qui n'a pas encore assez le discernement comment discerner. Tout ce que je vais dire va être récupéré par l'ego. Donc, continuez à faire ce que vous faites, mais à un moment donné, vous aurez la chaleur énergétique nécessaire pour, de toute façon, comprendre. Et en posant une question comme ça, c'est qu'on est déjà sur le chemin. Mais nécessairement, encore une fois, ça prend du temps. Et je répète, et je répéterai souvent, plus on est pressé, plus c'est long. Plus on est patient, plus c'est vite. Pourquoi résoudre le problème du mal? L'homme dit que Dieu, c'est lui-même. Au lieu d'être du sadisme, Dieu fait souffrir l'homme. Ça devient du masochisme, Dieu se fait souffrir lui-même. L'homme dit aussi que Dieu l'a créé libre. Pourquoi l'évolution, l'involution, tout ça révolutionne en rond? Pourquoi Dieu a-t-il pensé le mal? Réponse, Dieu n'existe pas. Daniel, tu dis alors, que... Alors, tout le reste, c'est une erreur de dire que Dieu fait ci, fait ça, puis essayer de comprendre comment la mécanique, puis trouver des contradictions. Ben non, Dieu n'est pas là, fait que le reste, c'est... Dieu n'est pas masochiste. Daniel, tu dis qu'un individu doit être vestimentairement vêtu d'une façon endoformique assez puissante pour émettre... En allant avec son énergie. Pour émettre de suffisance d'énergie, sans perdre sa propre énergie dans le cas d'un malade. Explique-lui en détail cette onde endoformique. Il faut nécessairement que ce soit en affinité avec sa propre énergie. La première onde de forme que l'individu devra revêtir, c'est sa gestuelle. C'est la première onde de forme. Alors, dans le cas d'une personne qui est malade, elle devra apprendre à sourire. Elle devra apprendre à regarder. Elle devra observer. On a fait le jeu de la vie, le jeu de la mort. Une personne bien malade doit s'arranger pour être vivante. Alors là, elle revêt déjà une onde de forme où on voit à travers un corps qui est malade un rayonnement quelconque. Ça, c'est la première onde de forme. Le vêtement, par la suite, va revêtir cela. Alors, nécessairement, une personne, et ça, c'est quand même relativement courant dans les hôpitaux, le patient qui a une jaquette tout crottée ou qui est habillé tout croche, etc., il traîne. Et il y en a un autre, par contre, que ça lui va à ravir. Et normalement, il va s'en remettre mieux. Alors, le vêtement même d'une personne malade, c'est évident qu'une personne, un homme qui est malade, on ne met pas une cravate, un veston, etc., des souliers, donc on le couche dans son lit, puis on attend qu'il s'aille. Ça va de soi que l'onde de forme doit être ajustée par rapport à ce qu'on veut faire. Alors, la seule chose qu'il y a, c'est que l'individu doit s'arranger pour se trouver esthétique. Mais il faut faire attention. Esthétique, il doit se trouver esthétique, il ne doit pas trouver qu'il ressemble à quelqu'un. Quelle nuance? Il ne doit pas dire, ah là, tiens, là, mon poignet. Il doit se trouver esthétique, c'est-à-dire qu'il doit observer que l'onde de forme qu'il dégage est en affinité avec ce qu'il est. Et cela va faire en sorte que l'ego va apprendre, l'ego va lire dans l'onde de forme qui est rémise par l'onde de retour, certaines choses, et cela va permettre à l'ego d'accepter le fait que l'individu se guérit. C'est toujours une question d'ego. Instruisez votre ego, faites-y croire que vous êtes guéri, vous allez être guéri. Et quand vous dites, tiens, je suis guéri, c'est l'ego qui dit ça, il ne croit pas en tout. S'il se voit la face, il se dit, ah, ben, tiens, moi, j'ai pas l'air fatigué que ça. Ah, ben, peut-être que. Là, il va y croire. Même chose, t'as bien l'air en forme. Ah, ouais, alors, c'est pas. Lui, il se croira pas. Alors, il doit y mettre un onde de forme, puis dans un onde de retour, ça va paraître. Alors, l'individu doit se trouver esthétique. Et je répète encore une fois, ça ne veut pas dire, ah, bon, ben là, tiens, là, moi, là, je suis présentable. Être présentable ne veut pas dire être esthétique. Dans un bal masqué ou dans un truc où tout le monde est laid à mort, être présentable, c'est d'être laid comme tout le monde. C'est à être avec son onde de forme. Alors, l'individu qui est malade devra s'arranger pour mettre de l'ordre dans l'onde de forme. Ça va énormément nourrir son astral. Si ça ne le guérit pas, ça va l'empêcher d'être plus malade. En faisant prendre conscience aux gens qu'ils n'ont pas le libre arbitre, cela peut-il retarder l'évolution de certaines personnes qui ont encore besoin de la culpabilité pour ne pas faire d'actes stupides? Impossible, parce que ceux qui s'en sont encore à ce niveau-là ne pourront pas comprendre ce que je dis. Bon, comment cristalliser un choix d'intelligence dans la matière? Tu as mentionné travailler l'onde de forme, se réserver du temps pour soi et... C'est la question. Le reste, il y a énormément de pratiques. Je ne peux pas expliquer ça seulement par la parole. Il faut que je puisse toucher aux individus. Bon, à un moment donné, il y a des choses que je ne peux pas expliquer encore parce que je ne les ai pas encore assez expérimentées dans la communication avec autrui et sur lesquelles je peux revenir. Une chose certaine, c'est qu'au niveau du PMC+, c'est surtout ce travail-là qu'on va faire. Et peut-être que par la suite, je pourrai en parler parce que j'aurai ajusté des mécanicités que je vibre et que je ne peux pas présentement mettre en parole. Je devrais prendre le reste de la journée pour essayer de mettre ça en parole. Et encore là, je ne serai pas satisfait parce qu'il manquera des petites initiations, c'est-à-dire des exemples pratiques que l'individu vit puis que je l'accroche quand il le vit lui et que je ne peux pas donner collectivement à des gens. Alors, travailler l'onde de forme, ça va de soi, puis encore là, ça veut dire quoi? Il y en a qui le comprennent, mais à un moment donné, ben, je vais carrément accrocher les gens puis je vais les placer, leur dire. Se réserver un temps pour soi, ça va, mais il faut aussi maintenant pouvoir faire ce qu'il faut faire dans le temps pour soi. Alors, il y a toujours la nuance entre jouer qu'on joue et jouer le jeu. Et il y a énormément d'individus qui ne peuvent pas discerner encore la nuance entre jouer qu'on joue et jouer le jeu. Je pourrais même nommer des prénoms de personnes qui se croient bien et qui jouent qu'ils jouent. Et il leur manque justement une petite étape, cesser de jouer qu'ils jouent, puis de jouer le jeu. Daniel, quel est le parallèle entre l'anti-homme et l'ego? L'ego est constitué à 99% d'anti-homme. L'anti-homme est constitué de toutes les mémoires réincarnationnelles qui sont suffisamment vieilles qu'elles refusent tout ce qui est neuf. Le 1% de l'ego qui fait partie de l'homme est constitué des mémoires réincarnationnelles de neuf, c'est-à-dire de toutes les mémoires qui ont été enregistrées lorsque l'individu a découvert des choses neuves lorsqu'il était enfant, et de toutes les mémoires aussi qui se réincarnent, des mémoires d'enfants qui se réincarnent en même temps lors de la gestation de l'enfant. Cela crée à peu près 1%, dépendant des individus, le facteur peut être fluctuant, et cela crée, disons, 1% de phénomène énergétique qui devient l'homme. Les 99% vont être des mémoires d'entités égoïsées qui avaient donc déjà une identification et qui se réincarnent et qui veulent maintenant prendre possession du corps physique. Ça, c'est 99%. l'anti-homme. Donc, on peut dire que presque tout l'ego est anti-homme. Une question sur le libre-arbitre. Y a-t-il un libre-arbitre à l'intérieur du non-libre-arbitre? Par exemple, à un niveau très matériel, si j'ai le choix de choisir le plat que je veux sur un menu donné restreint... Tu n'as pas le choix de choisir le plat. Est-ce là un choix ou si j'étais déterminé que je mangerais un Big Mac dimanche à 7 heures? C'est ça. Tu as 25 chemins. On appelle ça avoir le choix. Tu ne peux en prendre qu'un. On appelle ça ne pas avoir de libre-arbitre. Alors, j'ai un paquet de plats, je regarde celui-là. Selon les stimulations qui animent mon astral et les besoins de mon corps physique, qui sont dépendants de ce que j'aurais usé, pris, expérimenté, selon les stimulations de ce qui se réincarne présentement, je regarde les plats et je dis, ça, j'aimerais ça, mais peut-être que ça serait mieux, peut-être que... Et finalement, c'est juste ce qui se passe là qui, dans un leurre, me donne l'impression que je choisis, qui fait que moi, de toute façon, prendre celui que j'aurais pris, même s'il n'aurait eu un gars. Et là, je me dis, j'avais le choix. Oui, tu avais le choix. Mais j'ai choisi. Non, tu n'as pas choisi. C'est pour ça que c'est difficile à comprendre pour la majorité des humains. Ah, mais j'ai quand même choisi de venir ou de ne pas venir. Non, tu avais le choix de venir ou de ne pas venir. Ça, c'est le choix qui s'offrait à toi. Mais vu que tu n'as pas de libre-arbitre, tu n'as pas choisi. Mais au moment de la constitution de l'âme, par la réincarnation des mémoires du monde astral, il y a une structuration qui se fait là, automatiquement, qui se paramètre. C'est le corps physique qui attire? Oui. Mm-hmm. Par une qualité génétique et tout ça. Est-ce que c'est ça qui signe la destinée d'un individu? Non. La destinée est signée à quel niveau? La destinée, elle est signée au niveau de la matière, donc de la génétique carrément biologique. Elle est signée au niveau de la génétique des plantes. La génétique des plantes détermine énormément ta destinée. Elle est signée au niveau de la génétique de beaucoup d'animaux, qui détermine énormément ta destinée. Elle est signée au niveau de... tout ça. Mais... Alors, les plantes qui poussent dans une région, s'ils ont une génétique particulière qui fait qu'ils ont de la difficulté à vivre, puis que finalement ils tombent, puis que le vent les amène, ça crée des déserts, qui engendrent des systèmes de chaleur, qui engendrent des ouragans, et qui viennent carrément te massacrer. C'est la génétique des plantes qui détermine ton ouragan pleine face. En plus, ton corps physique est dans quel état? Mais ça dépend de ce que tu as mangé. Ça dépend de la génétique des animaux que tu as mangé. Ça dépend de la génétique des fruits et légumes que tu as mangé. Et tout cela fait que tu es ceci. Donc, la génétique de tout ça détermine ce qui t'est destiné. Et on appelle ça une mécanique écologique. Alors, ce qui fait qu'étant donné que tu es dépendant, finalement, de tout, sauf de toi, ta destinée n'est pas entre tes mains, est entre les mains de tout l'extérieur. Mais vu que ta destinée dépend de moi et que ma destinée dépend de toi, chaque fois que tu éternues, moi, j'enlève la tête. Chaque fois que j'enlève la tête, tu éternues. Alors, finalement, c'est ça. On s'auto-manipule sans avoir besoin d'intentionnalité. Et comme l'humanité au complet, à partir même, de, on pourrait dire, de la génétique des minéraux, de la génétique de la planète Terre, des volcans, des raz de marée, des ci, des ça, mais finalement, c'est tout un système écologique total. Le fait qu'on ait une ville de Montréal qui donne 2 degrés de plus de chaleur ici qu'ailleurs dans la province de Québec, ça perturbe l'écosystème, ça nuit aux plantes. Le fait qu'on fait des pluies acides, le sirop d'érable que tu as bu cet été a peut-être un peu plus d'acide dedans. Et patati patata, fait que finalement, ta destinée, elle est dépendante de quoi? De tout. Mais la destinée au niveau d'un humain, est-ce qu'il y a un autre facteur plus subtil qui peut jouer que strictement le phénomène génétique ou... C'est en masse subtile. Oui, mais est-ce parce qu'un jour, il y a un homme des cavernes qui s'est tapé la tête sur une roche. Tu as ce veston-là sur le dos. Mais, c'est pas assez subtil. Mais compte tenu de la perception que tu as de la mécanicité de la destinée, c'est quoi, toi, la perception de destinée que tu vois pour toi? La destinée de l'homme s'arrête là où la conscience commence à être exprimée dans l'homme. Je vais t'expliquer une chose. Disons que moi, dans X années, je deviens suffisamment conscient que je fusionne mon globe éthérique totalement avec moi, donc que j'ai un corps totalement éthérique, ce qui me permet d'être à plusieurs endroits en même temps, biologiquement, ce qui me permet de traverser les murs, de voler, de... Bon. Et je décide de changer la destinée de toute la planète. Alors, disons que je fais ceci, pouf, et tu deviens une femme. Et je change la destinée de toute la planète au complet. À l'instant même où tu deviens une femme, tu vas avoir toute ta mémoire en arrière de femme, puis tu n'auras jamais vu changement dans rien. Alors, finalement, je n'aurai pas changé ta destinée. Parce que toi, tu n'auras jamais existé, Et ce qui est là maintenant, ben, c'est tout archétypé, c'est la même, c'est une destinée. Alors, pour l'humain qui n'est pas assujetti à la conscience intentionnelle, si elle change tout, pour celui qui est là, il n'y a jamais eu rien de changé. Alors, finalement, la conscience ne peut donc pas arriver dans le monde et te faire gagner la loterie. Il faut que ta destinée te prédestine déjà à gagner la loterie. Mais il faut faire attention. Les destinées, ils sont sur plusieurs niveaux. Et ça encore, tout à l'heure, la personne qui me posait la question de sa guerre d'ego, plusieurs niveaux. Et on devra apprendre à concilier ces choses. Tu as une destinée physique. Tu as une destinée vitale. Tu as une destinée astrale sur plusieurs strates. Tu as une destinée mentale, une destinée supramentale. Pourquoi? Parce que ta destinée physique, elle est d'un ordre. Mais ce qui vient se connecter là-dessus, c'est un autre palier. Et ce n'est pas assujetti aux lois de ce que tu as ici. Il y a des interrelations. Soit. Ta conscience, elle évolue, elle grandit, elle grandit, elle grandit. Puis tu as de la leucémie. Et là, on va dire, oui, alors, mais ce serait si évolué que ça. L'évolution n'est pas dans le corps. L'évolution primitive de l'humanité est la primaire, la plus importante, elle est corporelle. Mais dans un individu, c'est la race qui est importante, pas toi. Alors, ton corps physique peut avoir une génétique hautement géniale pour entrer en contact supramental, mais en même temps, tu as un cancer du sang. Et ça, c'est ton karma biologique, c'est ta destinée physique. C'est pas ta destinée au niveau de la conscience. Oh, j'avoue que si ton corps physique meurt, ton évolution de conscience mange un coup. Mais ça, elle se serait arrêtée là de toute façon. Et c'est pourquoi elle libère le corps qui, de toute façon, serait mort depuis longtemps. Et mis ensemble, ben, on va soit penser que la conscience a tué le corps, soit que le corps est mort, puis la conscience est partie, puis tant pis pour la conscience. Alors, il y a un paquet de destinées à des niveaux différents, ce qui fait que rendu à un certain laps, un certain niveau vibratoire de destinée, il y a tellement de conscience que là, tu commences à avoir un libre-arbitre. Là, pas là, là. Alors, tu ne peux pas encore guérir le corps physique parce que tu n'as pas de libre-arbitre dans le plan exprimé de la matière. Mais maintenant, tu as une liberté de conscience là. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner que, premièrement, tu n'as pas de liberté dans la matière, mais tu vas commencer à avoir un libre-arbitre du point de vue de l'ego. C'est-à-dire, l'ego n'aura pas de libre-arbitre, mais toi, tu vas être capable maintenant de commencer à t'anégoïser volontairement. Le corps physique va manger la claque, c'est son karma. Tu ne pourras pas régler tous tes problèmes physiques. Pendant que ton corps physique subit encore sa destinée, puisque tu n'as pas encore la vibration pour changer son plan de vie, tu es en train de créer un double éthérique. Et pouf, le corps meurt. Mais ça, on s'en fout. Tu n'es pas occupé du corps physique. Tu es occupé de créer un double éthérique. Et là, tu as une forme de libre-arbitre qui en est un puis qui n'en est pas un. C'est-à-dire qu'il y a plus de possibilités de, pas tout à fait de choix, mais disons d'intentionnalisation. Tu as plus de champ pour agir. Alors là, tu peux donc créer un double éthérique. Quand tu arrives à être en contact avec l'ego pour arriver à fusionner l'ego, tu peux, avant d'attaquer l'ego parce que tu n'es pas assez puissant, tu peux obliger la structure astrale extérieure à toi à réagir, ce qui va manipuler des individus pour qu'eux autres viennent te faire chier, et là, ça attaque ton ego. Et là, tu vas encore vouloir faire une colère mentale pour régler ça, et c'est le genre de colère mentale que j'expliquais, qui ne donnait pas de résultats, c'est l'intelligence qui t'amène ces choses-là. Parce que là, on t'anégoïse, tu es devenu utile. Donc, tu es devenu privilégié, l'énergie supramentale est jaloux de toi. C'est-à-dire qu'elle te conserve. Alors là, il y a donc une forme de liberté, de libre-arbitre, et lentement, tu arrives au niveau de l'ego. Quand l'ego est carrément disparu, ce qui vient, ce qui possède le corps physique n'étant plus là, l'ego est disparu, en réalité, il est devenu un double éthérique. C'est absolument génial pour lui. Mais ça, il ne peut pas comprendre la valeur encore. C'est devenu génial pour lui. Il est donc exclu du monde de la mort. Il fait maintenant partie de l'élite des dieux. Et alors là, tu pourras prendre le contrôle du plan vital, parce que là, il n'y aura plus d'ego pour nuire, pour tamponner les ordres. Et prenant contrôle du plan vital, qui est un plan exécuteur, instantanément, ton corps physique devient désassujetti des destinées traditionnelles. Tu n'as pas de libre-arbitre encore. C'est-à-dire que tu as une immense possibilité de libre-arbitre. Tu as un libre-arbitre qui est restreint, qui se restreint d'une façon pyramidale en descendant vers le bas. Alors, en haut, tu peux donner des ordres à la conscience supramentale de certains individus. Mais eux pourront l'exprimer comme ils pourront l'exprimer. Dans le plan supramental, tu pourras dialoguer avec des êtres humains qui ont un début de contact supramental ou qui ont un ajusteur de pensée, et tu te comprendras avec eux. Et eux autres, quand tu vas redescendre, ils vont avoir oublié un peu, mais il va y avoir déjà des petits minages qui vont être capables de te donner un coup de pouce. C'est pyramidal. ton libre arbitre. Plus tu te rapproches du plan mental de l'homme, bien nécessairement, tu pourras rencontrer des intelligences mentales et les faire travailler avec toi, devenir complice avec eux, même s'ils n'ont pas la capacité supramentale que tu as. Ils vont voir l'intelligence, ils vont être d'accord de travailler avec toi, quel que soit leur âge. Et là, tu ne les manipules pas. Par contre, tu les manipules, oui, c'est-à-dire que ta présence les manipule, mais c'est une manipulation qui est accréditive. Ils sont d'accord. Parce qu'ils voient l'intelligence, étant donné leur structure mentale. Alors, ils se disent, « Ben, Christy, je serais un fou de devoir me casser la tête quand le gars y répond. Je ne veux pas suivre le gars. » C'est logique. Si tu n'es pas assujetti en tant que disciple, du moment que le gars il dit un con, tu t'en vas. Tu restes toi. Mais tu n'es pas un cave. Tu sais. Les destinées collectives des gens, mais pour les gens, il n'y a pas eu de changement dans leur destinée. Ils n'en auront pas. Par contre, toi qui maintenant, tu vois-tu, il n'y a pas de changement dans une destinée tant que tu ne peux pas choisir. Alors, ces gens-là ne choisissent pas non plus. Si tu ne serais pas là, il y aurait fait d'autres choses, mais c'est pas un libre-arbitre. Ça reste une mécanique. Toi, tu as un libre-arbitre, parce que toi, tu commences maintenant à envisager, à goûter des choses. C'est un libre-arbitre accréditif, toi aussi. C'est-à-dire que tu envisages ce qui est intelligent et en même temps, on te montre que c'est déjà en prémisse d'être accompli. Alors, tu n'es pas volontaire pour l'accomplir et ça fonctionne. Et quand tu continues à descendre, tu arrives à un certain niveau, disons au niveau de ton corps physique, là, peut-être que tu as un libre-arbitre au niveau de ta biologie, tu n'es plus malade, tu n'as plus besoin de te reposer, tu n'as plus besoin de manger. Tu manges dans des repas ou quand les gens viennent t'inviter à manger au restaurant de façon ajustée, c'est tout. Mais tu n'as pas besoin de te nourrir. Et là, tu as un libre-arbitre, mais tu ne peux peut-être pas encore guérir quelqu'un. Peut-être. Normalement, quand tu crées un double éthérique, tu passes par la phase de transpiration d'énergie vitale où tu vas engendrer des guérisons. Mais une fois que c'est réglé cela, parce que tu paramètres ça assez rapidement pour ne pas te faire crucifier, et tu ne veux pas, tu n'as plus nécessairement la capacité de facilement changer changer les destinées d'autrui. Finalement, tu changes, mais pas... Comme tu pourrais dire, tu t'en vas dans un désert et puis immédiatement, le Sahara t'en fait un Éden. Tu n'en es pas encore là. Mais au fur et à mesure de l'évolution réchauffante de l'humanité, au fur et à mesure que les autres vont t'aider à le monter, tu vas pouvoir finir par avoir cette capacité. Mais là, l'humain sera capable de le supporter. Alors, il y a une liberté dans la conscience, il y a un libre-arbitre dans la conscience, mais tant que la conscience, elle a juste un petit fil dans l'humain, nécessairement, ça crée des problèmes. Présentement, l'humain n'a pas de libre-arbitre pour la simple raison que dans les sphères où sa conscience est placée, c'est trop cristallisé. Mais tu as dit que l'humanité pouvait prendre 10 000 ans pour évoluer vers un phénomène de supraconscientisation, ou 1 000 ans. Est-ce que c'est ce phénomène-là de... Mais j'ai dit souvent que si je dis que c'est déjà fait, ça risque de ne pas être fait, et que si ce n'est pas fait, ça risque d'être fait. Oui. Mais si ce phénomène-là peut exister, il y a donc un des scénarios possibles. Ça veut donc dire que face à une destinée, il y a une liberté de conscience de celui qui est le porteur du libre-arbitre à un niveau supramental, et il y a des jeux de scénarios qu'il peut faire. Au niveau de la conscience, oui. Je te donne un exemple. Un grand paquet de conscience vient t'envahir. Il y a un petit pic qui descend chez toi, là, tu t'es après ça, puis le reste, c'est la conscience. Mais à un moment donné, de plus en plus de conscience qui vient. Nécessairement, tu vois une projection humanitaire plus humaine. Ça va long, plus humanitaire. Alors là, tu commences, toi, à avoir la capacité de voir des futurs possibles, mais qui sont des destinées pour la majorité des humains. Alors, ce que tu dis à certains humains n'est pas vrai, mais va le devenir. Et la majorité des humains de la planète, même s'ils l'entendraient, ce ne sera jamais vrai pour eux autres. Ben, ça va l'être, mais dans 5 000 ans. Alors, cela te permet, toi, de commencer à transmettre une forme de conscience, à faire des gestuels qui vont finalement changer la destinée de l'humanité sans changer la destinée de personne. C'est comme je t'expliquais là. Mais... Oui? Bien, là, ça n'a pas à voir avec ça. Le double éthérique... Tant mieux. Si ton double éthérique est formé, tu peux être deux endroits à la fois... Parle dans le micro. si ton double éthérique est construit, puis tu peux être à deux endroits en même temps, oui. mais que tu n'as pas la conscience des deux endroits en même temps, oui. qu'est-ce qui manque à ton double éthérique à ce moment-là? Ton double éthérique n'est pas constitué. Si ton double éthérique est constitué et que tu as une bilocation, tu as une conscience double. Non, ben disons, je parlais, mettons, par rapport à toi, là, ton double éthérique à toi. Mm. S'il est construit... Il faut que soit constitué, ce qui me donne une bilocation de conscience absolument totale, mais dans le plan supramental et dans le plan planétaire. Lorsque tu seras fusionné à moi, je pourrai me séparer, c'est-à-dire me plurilocaliser à l'échelle de la planète. Et présentement, je ne peux pas me placer au niveau de la... Je ne peux pas me plurilocaliser à l'échelle de la planète parce que mon double éthérique n'est pas totalement fusionné avec mon corps physique. Mais j'ai une bilocation de conscience en ce sens que je suis capable d'avoir le point de vue de l'homme et le point de vue supramental sans problème, à 100%. Mais est-ce que... Si moi je te dis que je t'ai vu à un endroit, à une telle entrée ici, puis que je réalise que tu n'étais pas là à ce moment-là, mais je dis que je t'ai vu. Mm-hmm. Mais as-tu la conscience que je t'ai vu? J'ai pas besoin d'avoir la conscience que tu m'as vu, parce que ce que tu as vu, c'est simplement un phénomène akashique. Mais non, tu m'as dit qu'il n'y a rien qui pouvait prendre la possession de ton corps. C'est pas mon corps non plus, c'est simplement une image, c'est une expression akashique. Même mobile? Ah, même mobile. Mais ce n'est pas moi. C'est une mémoire de moi. Une trace qui traîne comme ça. Mm-hmm. Une trace vitale, peut-être? Ben, elle reste longtemps. Ah, ben, c'est évident. Plus ça devient énergisé, plus ça va créer des genres de symptômes comme ça qui sont intéressants, mais un peu cons. Vois-tu, une personne qui a de l'ego va dire que oui, c'est moi qui est apparu là. Hein? Et il y a des individus, à un moment donné, qui ont suffisamment d'énergie vitale pour engendrer des traces akashiques qui peuvent leur permettre, justement, qui permet à l'akasha de créer une trace mémorielle suffisamment vitale pour qu'on puisse la voir. Et eux autres, ben, quand on vient leur dire ça, ils sont pas au courant. Quand on vient leur dire ça, ben là, évidemment. Ça. Et là, ils se refroidissent. Alors, ils ont été capables de faire ça pendant 2, 3, 4, 5, 10 ans, puis après, c'est pas fou. Tandis que c'était simplement une trace akashique. Un akasha qui descend et qui se promène. Et un akasha, c'est... Ce n'est pas un dédoublement. Simplement la densification ectoplasmique vibratoire d'une mémoire réelle, d'une mémoire pure, sans coloration émotive, d'un événement. Alors, j'ai fait certaines choses quelque part, et akashiquement, à un moment donné, ça a été reprojeté quelque part. Et tu l'as fait. Il faudrait que je te collecte. Revenons à destinée. Le contexte de lecture de la destinée pour libre arbitre à un niveau supramental. Qui est capable de percevoir les mécanicités énergétiques. Ouais. Bon. On joue dans une substance. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Alors, je peux les dire dans le langage des oiseaux, mais quand même, je ne dis pas grand-chose. Alors, ça va okay. dépendre de tes questions. Parce que ça peut interférer sur certaines choses. OK. Mais tu as déjà fait une lecture de situation à l'effet que tu as décrit, par exemple, l'enjeu d'une grève cosmique. Oui. OK. Mais tu n'as pas décrit les conditions pour réaliser cette grève-là. Bon, OK. L'humain fait une grève cosmique. Il fait la grève par rapport au Dieu. C'est ce que j'avais expliqué. Bon, effectivement, j'en ai parlé il y a deux ans, il y a un an, il y a six mois. Mais il y a un mois aussi, tu en as parlé en disant que dans l'enjeu de la grève, il y avait la coupure que l'homme énergétique, l'homme faisait, et un transfert du karma vers d'autres galaxies, d'autres séraphiquement reliés à l'homme. Oui. Pour initier ce phénomène-là d'un individu qui a un libre arbitre supramental, quelles sont les conditions préalables de réaliser cet enjeu-là d'une grève? D'une grève. Bon. Premièrement, l'individu qui a une conscience supramentale bouddhique qui est suffisamment intentionnelle pour pouvoir engendrer cosmiquement une grève du règne humain par rapport aux dieux que l'humain a créés qui sont dans le monde de la mort. Parce que quand je parle de grève cosmique, la grève s'adresse aux dieux. Elle ne s'adresse pas à l'intelligence supramentale, elle s'adresse au Dieu. Donc, elle s'adresse au ciel, au monde de la mort. Pour que cela puisse arriver à se faire, cela veut dire que notre personnage, qui voudrait faire une grève cosmique, doit commencer par écrire certains livres, faire des conférences, comme je fais, mais ça ne veut pas dire que c'est ce que je fais, mais c'est quand même ce qu'il doit faire. Il doit créer des scandales. Il doit rencontrer des hommes d'affaires. Et il doit de plus en plus travailler avec des gens qui manipulent des grosses sphères sociales. Il doit lentement travailler de façon à parvenir à être millionnaire, milliardaire, Il doit par la suite engendrer des mécanicités qui vont lui permettre de s'accaparer de tout ce qui est monétaire sur l'échelle de la planète. Que ce soit au niveau des milieux boursiers, que ce soit au niveau de toutes les compagnies pharmaceutiques, cosmétiques, nourriture, aliments à maison, tout. Oh, ça ne veut pas dire qu'il a acheté toutes les maisons qui existaient, ça veut dire qu'il peut tout acheter ce qu'il veut acheter. Et qu'il contrôle toute la mécanicité économique à l'échelle de la planète. Par la suite, il doit éliminer toutes les sociétés secrètes qui existent à l'échelle de la planète, que ce soit la mafia, que ce soit le Coca-Cola, que ce soit, etc., le Ku Klux Klan, que ce soit les autres sociétés secrètes, ou les pervertir de façon à les envahir. Par la suite, il doit diriger tout ce qui est religieux à l'échelle de la planète. Donc, il doit parvenir à devenir ce qu'on peut appeler une espèce de grand monarque qui dirige toutes les nations, toutes les religions, toute l'humanité et donc tous les humains, sans exception, y compris les indigènes totalement perdus en Australie, en Amazonie, et dans ces régions-là. Une fois qu'il a manipulé, qu'il a sous son joug toute la planète au complet, il a maintenant étendu son syndicat, une greffe, à travers la planète. Alors maintenant, il va engendrer une nouvelle forme de religion, qui est un syndicat, qui va prétendre, dans la conscience de l'homme, qu'il a des privilèges et des droits en face des dieux. Pourquoi de contrôler l'humanité? C'est parce que chaque humanité est reliée à des égrégores différents, et la seule façon de contrôler tous les égrégores du monde de la mort, c'est de contrôler tous les humains qui nourrissent ces égrégores. Alors, une fois qu'il a le contrôle de l'humanité au complet, donc de la structure financière, c'est pour parvenir à contrôler l'humain, eh bien, maintenant, il peut faire à l'humain ce qu'il veut faire, c'est-à-dire que l'humain, il lui interdit de prier. Et puis, lui, il s'arrange pour parler. Et puis, les dieux vont... Mais quelles sont ça va les... fonctionner. Je t'assure qu'on va avoir un très, très bon transport en commun. Quelles sont les conditions... Quelles sont les conditions préalables aux conditions préalables? C'est-à-dire actuelles. Les conditions préalables aux conditions préalables, cela veut dire, premièrement, bon, ne pas avoir d'ego. Adolf Hitler, raté. Ne pas avoir de désir. On voit Alexandre de Grand, Philippe de Macédoine, son père, éliminé. Ne pas avoir un corps physique trop endocrinien. Napoléon, éliminé. Ne pas être confiné à travailler inutilement et attendre que le temps se fasse. Alors, Hannibal, éliminé. Avoir un entourage suffisamment intelligent et suffisamment solide. La majorité des gouverneurs. Ne pas être marié. Dans quel sens? 90% des problèmes, éliminés. C'est vrai, je ne parle pas de la femme, c'est pas d'une femme qui fait la chose. Bon. Ne pas avoir d'enfants. Parce que l'astral s'attaque à ça. Bon, en partant. T'élimine ça. Pourquoi tu penses qu'un premier ministre a le doigt à la limousine pour sa femme? Puis que les enfants, quand ils sortent de l'école, ils les gardent, puis c'est la limousine qui les ramène à la maison, puis qui ont, etc., etc. Comme le président des États-Unis, il déménage la Maison-Blanche. Pourquoi? C'est pas à cause que c'est la luxueux, puis c'est ici, puis c'est ça. Parce que le gars ne pourra pas prendre une décision convenable sur son pays s'il a peur qu'on massacre ses enfants. Alors, nécessairement. Le gouvernement, la société prend en charge toute la famille, la maison et tout ça. Ils ont leur chalet, qui est le chalet présidentiel qui est réservé quelque part, puis il y a toujours, c'est tout à fait logique. Mais pour en arriver à ce que je te dis là, bien nécessairement, il faut que l'individu soit totalement libre de ce genre d'atteinte. Ce sont des conditions préalables aux conditions préalables, et il y en a d'autres, évidemment. Mais il existe certainement une couronne d'énergie entre des cerveaux qui devraient se développer. Oui, mais ça, c'est après, là. Ça, c'est quand l'individu commence à s'entourer des personnes. Puis quel serait le nombre idéal de personnes nécessaires? Le nombre idéal, c'est la quantité minimum qui te permet de contrôler le reste du monde. Et quelle est cette quantité minimum? Ça dépend des heures et des temps, étant donné qu'il y en a qui meurent, il y en a qui naissent, qu'il y a des gens qui changent. Ça dépend de l'évolution des expériences, donc le chiffre n'est jamais stable. Chose certaine, c'est que tu t'entoures toujours de la quantité minimum, jamais de la quantité maximum. Mais dans un scénario, là, tu as décrit un scénario linéaire, mais il y a des phénomènes quand même extraterrestres aussi qui vont intervenir des autres galaxies au fur et à mesure qu'ils vont constater ce phénomène d'énergisation-là et de blocage. Oui, les briseurs de grève. Les briseurs de grève. Il risque donc, est-ce qu'il est susceptible d'y avoir une alliance existence de phénomènes extraterrestres avec les extraterrestres les plus intelligents vont vouloir s'allier au syndicat. Parce que le syndicat a la clé, a la puissance, c'est évident. Les dieux vont s'effriter, l'énergie va resservir à l'homme. Alors, en partant, les extraterrestres les plus intelligents vont vouloir s'allier. Et les extraterrestres les moins intelligents vont vouloir lutter contre. Il n'y en aura pas à s'en occuper, les extraterrestres intelligents vont s'en occuper. Mais moi, être extraterrestre et être intelligent, le syndicat qui mène actuellement, c'est Harriman et sa gang. Oui. Donc, mais c'est un syndicat qui nourrit le monde de la mort. C'est un syndicat comme les Teamsters, il est vendu, patron. Oui, mais c'est justement ça qui est important, un syndicat de boutique, eux autres, c'est ça qui est nourri l'autre bord. Mm. Donc, l'alliance spontanée des extraterrestres va être plutôt avec... Les extraterrestres les moins intelligents. Mm. Ils vont s'allier, effectivement, aux forces d'involution. Mais ça, c'est pas grave. Parce que l'humain est ce qu'il y a de plus puissant sur la planète Terre. Tant que l'humain se met à genoux et se vaut dans la boue, c'est évident que les dieux ont de la puissance, carrément de la puissance. Mais quand toi, tu comprends que ce que tu avais comme luxe, tu finis par te rendre compte que c'est pas du luxe, que c'est ton énergie. Mais Harriman, il va s'accoucher. Tant que toi, tu vis au-dessus de tes moyens, c'est Harriman qui gagne. C'est ce syndicat-là, oui, c'est bien. Syndicat qui manipule les banques pour faire en sorte que tu puisses dépenser, tiens, vas-y, sans problème. La carte de débit immédiat, puis il est ici, il est ça. Intéressant. Ce sont des systèmes pour appauvrir l'humain, pour le rendre esclave. Mais, oui. Quel va être le rapport dynamique? Tu as mentionné qu'il y aurait 13 antennes supramentales au Québec. Oui. Sur quelle échelle? T'en dis des choses? Oui, t'en dis des choses. Sur quelle échelle ils vont être en activité de temps? Et quel va être le rapport dynamique de ces 13 antennes-là vis-à-vis de l'antenne principale? La question est bien mal posée. Mal posée. Oui. Elle comprend trop de questions. Quelle va être l'échelle de temps sur laquelle 13 antennes supramentales vont s'exprimer au Québec? Le chiffre facile, c'est l'an 2023, d'ici ce temps-là. OK. Un peu avant. Est-ce qu'il va y avoir un rapport dynamique d'énergie entre ces antennes? Oui, une complicité. Est-ce que c'est ça qu'on pourrait appeler une couronne d'énergie qui pourra se... Ça n'a rien... Alliance? Ce n'est pas la couronne d'énergie que tu as nommée tout à l'heure en regard d'un syndicat. OK. Ça sera une couronne d'énergie. Chacun remplissait une fonction d'un plan plus vaste. Chacun remplissait une fonction sur un plan différent. Mais toujours en fonction de la même finalité intentionnelle. Ça, ils ne peuvent pas y échapper, même s'ils se battent entre eux autres. Qui gère le libre arbitre de toutes ces antennes-là entre elles? Bien, qu'est-ce qui est intentionnel, là, qui gère le c'est? GM. General Motors. C'est le grand monarque, ça? C'est ça. OK. Bon, alors, on va passer à d'autres questions. T'es bon. Est-ce que certains gourous comme Muktananda ou Maharishi Mahesh Yogi ont dépassé l'état de paradisiation? Si oui, qu'avaient-ils atteint? Ce sont des questions que je n'aime pas, mais la réponse est non, mais c'est parce que c'est... Enfin bref, c'est ce genre de questions que j'aime pas. Ah, ouais. OK. Sur le jeu des antennes, il existe déjà des antennes actuellement. Au moins deux. J'ai vu que même des... Est-ce qu'elles ont un rapport dynamique positif l'une par rapport à l'autre ou c'est un rapport d'ignorance? Premièrement, il n'en existe que deux excluant Saint-Germain. Est-ce qu'elles sont parallèles ou en dynamisme complémentaire? Elles sont complémentaires. Et l'une se supporte par rapport à l'autre. L'une se supporte par rapport à l'autre et vice-versa. Voilà. Question suivante. OK. Existe-t-il un vaccin qui peut prévenir l'apparition du virus de l'âme? Le péché originel serait-ce le virus originel? Mais ça veut dire que le péché originel, c'est simplement l'invasion du virus à l'intérieur de l'homme, ce qui était prévu pour permettre au corps de vivre sur cette planète. Le virus avait le choix, détruire ou incorporer. Or, s'il existe un vaccin, très bonne question, qui amène à plusieurs places. C'est bien. Elle est mal posée. En ce sens, quand je dis mal posée, ce n'est pas péjoratif, c'est qu'elle contient trop de questions. Et quand on me pose des questions que je ne veux pas répondre, parce que je ne veux pas connaître la réponse. Ce n'est pas nécessairement rapport aux gens. Parce que je ne veux pas connaître la réponse, ça me concerne peut-être et je ne veux pas savoir. Eh bien, quand on me pose une question qui contient beaucoup de questions, c'est beaucoup plus facile pour moi de ne pas y répondre. Et c'est pour ça que j'ai eu la question mal posée, donc je laisse quand même une perche. La prochaine fois, vous poserez vos questions d'une façon plus directe, plus précise. Il existe effectivement des vaccins pour prévenir l'apparition du virus dans l'arme, mais tant ce vaccin-là, présentement, si on l'implanterait à l'intérieur d'un corps humain qui a déjà une arme, il tuerait le corps. Alors, le vaccin, c'est comme un vaccin. On fait un parallèle, évidemment, ce qui pourrait détruire est suffisamment assommé, mais suffisamment vivant encore pour massacrer un corps humain. Alors, ça devait demander encore au corps humain d'évoluer encore un peu plus. Et lentement, ce virus, on pourra le donner dans la création de l'enfant en empêchant le processus réincarnationnel de se faire selon la logistique conventionnelle de façon à engendrer un enfant qui devra être formé par les parents au cours de sa jeunesse de façon à ce que l'enfant n'ait pas une âme réincarnationnelle, mais une âme exclusivement expérientielle. Alors, à un moment donné, on pourrait élaborer là-dessus. C'est un sujet qui est extrêmement vaste et qui me plaît énormément. Les zombies? Il sera un zombie si tu ne t'en occupes pas. Tu vas créer un corps sans âme. Il y a un périsprit. Et maintenant, c'est toi qui vas devoir transférer ce que tu veux transférer dans l'enfant. Alors, c'est une forme d'éducation, mais c'est plus que de l'éducation. Alors, l'enfant va rester un enfant toute sa vie, même si physiquement, il grandit, il vieillit, mais il ne vieillira pas au point de mourir. Il n'aura pas d'âme et d'ego comme cela. Par contre, on parle nécessairement d'un père et d'une mère qui sont capables de créer une fécondité qui bloque, qui n'est pas assujetti à un canal réincarnationnel. Et là, cet enfant-là n'est pas supramental à la naissance. Par contre, tu devras maintenant le donner, placer au niveau de l'âme, juste les archétypes qui acceptent le neuf. Et là, l'enfant aura une âme pure toute sa vie, même si elle est quelque peu colorée par des petites choses, qui vont juste permettre la sous-tension d'un phénomène mental, qui va facilement permettre l'accréditation d'un phénomène supramental, et tout le reste va se faire sans jamais qu'il y ait de souffrance dans cet enfant-là. Alors, on peut donc dire que c'est un vaccin, mais il ne se donne pas à quelqu'un qui est déjà au monde. Le virus de l'âme, en fait, compte, c'est le phénomène luciférien. C'est Lucifer. Oui, c'est ça. Dans l'intention initiale du corps humain, si Lucifer n'était pas intervenu, c'est un peu cette mécanicité-là qui aurait pu se... Mais le corps n'aurait rien fait. Le corps devait être animé pour être évolutif du point de vue de la biologie génétique. Ça fait plaisir à Darwin. Mais en quoi Lucifer a bogué l'histoire? C'est que ça. Mais Lucifer n'a rien bogué. Ça, c'est dans les concepts de l'homme. Ça, c'est dans les histoires traditionnelles de l'homme. Pour qu'on comprenne qu'on a péché parce qu'on a écouté Lucifer, qui était des milliards de fois plus puissant que nous autres, comme si on pouvait faire autrement que l'écouter. Bien, alors, on nous a dit que c'était un ange déchu, puis que nous autres, on était très, très, très brillants, mais juste pas assez brillants. Bien, on n'a pas dit ça, mais on était très, très, très, très brillants, puis on avait le choix d'accepter Lucifer ou Dieu, puis on a accepté le... Oui, mais tu as déjà dit que le phénomène humain était une solution engendrée par des énergies supérieures, de ouais. Dieu, appelons-la de même, mais que Lucifer a considérablement prolongé le processus de réévolution de l'homme. Non, je n'ai pas dit que Lucifer avait prolongé le processus. Ça dépend, j'ai dit ça un vendredi ou un dimanche. Je ne peux pas dire. OK, c'était à des fins d'explication. Ouais, ça dépend de la question qu'elle avait. OK. Je passe. Quand je m'abandonne au non-libre arbitre, la seule chose qui arrive, c'est qu'il n'y a plus de tension, juste un vide très plate à vivre. Quand je lutte, il y a une tension, un désir, c'est moins plate. Qu'y a-t-il après ce vide, parce que je ne pense pas pouvoir le toffer plus d'une semaine? Bon, alors, si on n'est pas capable de le maintenir plus qu'une semaine, ça ne vaut même pas la peine de savoir ce qu'il y a après le vide. Une chose certaine, c'est que l'individu n'est pas encore prêt, ça va venir. Elle doit pratiquer encore un peu plus le phénomène de la parole. Je ne sais pas si elle fait présentement le jeu de la vie numéro 3. Si oui, elle aura des solutions un peu plus loin. Ce vide total, c'est l'abstinence de contact avec le canal réincarnationnel. Et comme son ajusteur de pensée branché dans le plan moronciel, et le plan moronciel étant un plan qui ne contient aucune information, elle a donc un vide total. Et elle trouve ça tough, c'est simplement parce qu'il a encore trop d'ego. Donc, il lui manque encore la capacité de s'en égoïser. Même si l'ego est à l'extérieur, il vit quand même les conditions expérientielles du corps physique de l'homme ou de la femme. Et nécessairement, il continue à en souffrir. De temps en temps, il revient dans le corps physique. Et là, il ne revient pas longtemps parce qu'on l'observe, mais il revient juste suffisamment longtemps pour déféquer suffisamment pour qu'on puisse se rendre compte que c'est chiant ce qui se passe. Alors, la personne ne peut pas le maintenir tellement longtemps. Elle va simplement encore devoir patienter un peu. Quand elle se laisse aller au libre-arbitre total, ou non libre-arbitre, c'est simplement que l'ego essaient de vivre la condition qu'ils ne contrôlent pas. Et pourquoi on a implanté dans la conscience primaire de l'homme l'idée justement que l'homme faisait un choix? C'était parce que ce phénomène vécu par l'ego qui n'a pas de libre arbitre est à peu près pas vivable par l'ego. Et c'est pourquoi on vous fait encore, c'est comme si on te dit, tiens, mange une banane. Tu dis, ah ben moi j'aimerais avoir le choix. Bon ben tiens, mange une banane, une pomme ou une carotte. Puis là il dit, bon, on va prendre la banane. Ça, c'est facilement vivable par lui, par l'ego. Alors que juste la banane, c'est pas vivable parce qu'il n'y a pas le choix. Alors c'est simplement ça qui est la nuance. Alors donc, il manque encore un peu d'énergification. Et on doit encore se laisser du temps si on ne peut pas le maintenir une semaine. Et bien, on attend. On fait ce qu'on fait. Et puis, à un moment donné, on va vous offrir que la banane. Et vous allez dire, ben oui, c'est évident. Mais présentement, on doit vous offrir 150 affaires. Même si de toute façon, vous allez prendre celle que vous allez prendre. Et c'est moins frustrant pour l'ego. On doit se laisser quand même du temps. Y a-t-il présentement un but caché bien défini autre que la simple expérimentation pour Biosphère 2, planète Terre miniaturisée sur 80 000 mètres carrés dans le désert de l'Arizona, le tout sous un globe de verre qui sera habité à partir de janvier 1990 durant 2 ans par 8 élites scientifiques? C'est étonnant qu'on diffuse ce genre d'informations. Oui, y a-t-il présentement un but caché bien défini? Bien, effectivement, oui, il y a un but caché extrêmement défini. Bon, c'est frustrant, mais ben, je peux faire un petit paramètre, là, très bénin du phénomène. Pas très petit, parce que c'est... Ce n'est pas la première fois qu'on tente une expérience similaire. Et c'est pour ça que je me demande même encore où on a pris l'information. C'est des journalistes qui jasent ou bien non. En tout cas, c'est assez original qu'on puisse parler de ce genre de phénomène. Les informations ne sont pas tout à fait exactes, mais quand même. Ce n'est pas la première fois qu'on tente ce genre d'expérience de créer la vie de l'homme à l'échelle de la planète. C'est-à-dire qu'on veut vérifier si, de quelle façon la vie de l'homme a pu être créée. Et dans l'ultime, dans la dernière tentative qui est en train d'être expérimentée, ce que l'on veut vivre, ce que l'on veut essayer de créer, de vivre, c'est d'engendrer la vie de l'homme en permettant... maintenant, la science, certains scientifiques, du moins suffisamment riches et suffisamment puissants, ont la conscience que la création de la vie sur le plan planétaire, il y a plus de 4 milliards d'années, s'est faite par ingérence extraterrestre. Et présentement, ils veulent recréer des conditions le plus possible similaires. Pour faire une expérience, dans le but d'essayer de réamener ces contingences extraterrestres à venir s'immiscer. Et on veut essayer d'engendrer un contact entre certains humains et ces phénomènes créationnels extraterrestres. Et il y a d'autres petites mécanicités qui font référence à ça avec. Il y a déjà une ingestion extraterrestre qui n'est pas large. Il y a toute une panoplie de cossins. C'est super. Et on n'en parle pas trop pour l'instant. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tellement bon que des gens sachent ça. Ça peut être dangereux. C'est le gouvernement américain qui supporte ça? C'est une partie du gouvernement américain. Tu sais, quand on sait que quand les Allemands manquaient de munitions, les Américains leur en vendaient pendant la Deuxième Guerre mondiale, sur le marché noir, ce qui stimulait énormément l'économie américaine. Ben, c'est comme les armes qu'ils ont vendues à l'Iran. Hein? L'Iran qui déteste les Américains. Alors, il y a d'autres nations qui sont apparemment belligérantes aux États-Unis, qui sont aussi dans ce projet. Est-ce que l'Arche d'Alliance a un lien avec les écrits du Trésor des Templiers? Non. Et oui. Non et oui. Est-ce que cette alliance fut un contact entre l'homme et les cieux? Quelle est la nature du contrat? Non, c'est un contrat. Est-ce que cette alliance fut un contrat entre l'homme et les cieux? Quelle est la nature du contrat? Cette alliance est-elle effective pour toute la durée de l'humanité? L'Arche d'Alliance est un lieu interdit. Alors, de même que les lieux interdits sur la planète sont des cristallisations de mécanicité qui proviennent de... Une grande partie des lieux interdits, comme l'Arche d'Alliance, ont été créés par tout ce qui a été projeté par la terrestrification de certaines consciences dans l'être humain. Alors, tout ce qui ne peut pas être humanisé a été placé dans des lieux et ça doit se réchauffer lentement. L'Arche d'Alliance est un phénomène de ce genre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une complémentarité énergétique du point de vue yavique qui a été terrestrifiée et tout ce qui ne peut pas être absorbé par l'être humain a été canalisé dans un réceptacle construit par l'humain dans le but d'attirer cette chose. Et cette chose est descendue au niveau de l'homme et le maximum, la majorité de la chose a été confinée dans un réceptacle qui, lentement aussi, tel un lieu interdit, mobile, il n'y en a plus qu'un, prépare des effluves que l'être humain respire, ce qui permet à l'être humain d'augmenter lentement son potentiel d'évolution. Voilà. Nous parlons beaucoup d'argent et de placement. Dis-moi tout ce que tu sais sur l'île des Cocos, située dans l'océan Pacifique au nord-est des îles Galapagos. Je ne veux pas prendre de décision à la place de personne. Mais c'est intéressant. C'est l'île des Cocos. OK. Parle-nous de la légende du roi Arthur, si c'est une légende. Explique le symbolisme du Graal. On va faire une petite pause et puis on va remonter et puis on finira les questions. Oui. Parce que comme ça, là, c'est... Voilà. Puis les rusés vont amener d'autres questions.